we buried our sons, we turned and fled. No growing old, glorious dead. But we came back because one man said, now on the beaches, the blood runs red. We'll be right back. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, Iron Maiden avec son dernier album Darkest Hour, extrait de Senjutsu, paru il y a de ça maintenant 2 ans. Voilà, on continue, on aura de la bonne musique ce soir dans Overdrive et notamment une interview du groupe Archspire réalisée au Motocultor Festival en compagnie de la Ferrarock. Donc restez bien au chaud derrière votre tuner et installez-vous confortablement dans votre rocking chair. Tout de suite, Too Many Lies, dernier album de Ronnie Romero, l'un des chanteurs dans lequel on fonde de grands espoirs, Castaways on the Moon. Ce sera sur le label Frontiers Records par le chanteur Ronnie Romero. Yes, excellent ce Ronnie Romero pour tous les amateurs de hard rock. Et maintenant, on va passer à du heavy metal pur et dur avec KK's Priest, The Sinner Rides Again. Il s'agit de tout simplement du nouveau groupe de Ronnie Romero. plutôt de K.K. Downing's de Judas Priest, tout de suite avec bien sûr Tim Ripper Owens au chant. Voilà, on est assez proche de ce qu'il a pu produire avec Priest, même si bien entendu la production n'est pas aussi intense et aussi léchée que ce qui ça a pu être le cas sur les années de Priest. KK's Priest, One Shot at Glory, et c'est sur Overdrive Radio Dio maintenant. We'll be right back. One More Shot at Glory, extrait de The Sinner Rides Again, dernier album du guitariste de Judas Priest, Ken Downing, KK's Priest, One More Shot at Glory. On passe maintenant à notre ancien guitariste, il s'agit de Phil Campbell et de ses Bastard Sons, Kings of the Asylum, pour le dernier album du guitariste de Motorhead, bien entendu, pendant de très nombreuses années. Voilà, on passe tout de suite sur le morceau qui ouvre cet album, Walking in Circle, Kings of the Asylum, par ce bon vieux Phil Campbell. We'll be right back. Vous venez d'entendre le groupe Raspy Junker avec cet album Bad Queen paru sur le label M&O Music pour un rock metal alternatif d'influence Metallica et autres Alice in Chains. Il me semble que le groupe vient du nord de la France. Il nous sort ici cet album Bad Queen qui est leur deuxième album complet après un certain World of Violence. Ce soir dans Overdrive, on passe maintenant avec du hard rock avec le groupe suisse Chakra qui nous sort sur FM Records l'album Invincible. Le groupe n'a pas vraiment changé de fusil d'épaule depuis maintenant une vingtaine d'années, même s'il reste assez confidentiel. Ils nous sortent toujours une production bien bâtie avec un superbe son et de superbes riffs de guitare qui sont une version un peu heavy de Gotthard pour dresser un certain parallèle. Chakra dans Overdrive Radio Duo maintenant. Invincible. You are invincible. Yes, vous venez d'entendre le groupe Darken tout de suite, extrait de son album Welcome to the Light pour une, là aussi, super sympathique production française. C'était le groupe Darken, The End of Time, extrait de cet album Welcome to The Light. On en a parlé en début d'émission, ce soir dans Overdrive, j'ai une petite interview enregistrée en compagnie du groupe canadien Artspire, enregistré du côté du Motocultor Festival en compagnie de la Ferrarock, et c'était vraiment super, super cool. Radio Béton et Overdrive Radio Audio ont rencontré les joyeux death metalleux canadiens de Artspire au Motocultor Festival. Attention, ces gars-là ne rigolent pas. So, nice to meet you. First of all, can you introduce yourself and your place in the band for our listeners, please? Go ahead. I'm Oliver Ray Alaron. I'm the singer. What am I? Vocalist. Vocalist for Artspire. Fool. The band's Fool. Fool. I'm Spencer Pruitt and I play drums. I'm Toby Morelli. I play guitar. I'm Jared Smith. I'm the bass player. My name is Dean Lam. I play the guitar also. Thank you. Donc aujourd'hui c'est la dernière date de votre tournée. Comment est-ce que celle-ci s'est passée? So this is the last gig for this leg of a tour. How has it been so far? It's been really good. It's been a fun tour. Yes, we've been living in an ice cream truck style bus that's very small. Very small, and it does smell like it's kind of like this, but it smells like piss. Yes, yeah. And like cheese. Piss. Reeks like piss. Piss and cheese. Yeah. The fridge smells really bad. We put a bunch of cheese in there and just left it. So now every time you open the fridge, it just absolutely reeks. Yeah, day one, Toby bought this like really old Camembert, and then it just reeked the whole ice cream truck up. Actually, the tour hasn't been very good. Now that we think about it. Yeah, and when you're sleeping, you just get wafts of piss from the toilet and cheese. And the AC doesn't work. The AC didn't work really yesterday. The AC doesn't work. So it's just burning hot overnight. So you get tired from sweating too much, so you pass out, but then you wake up and you're covered in sweat. It's kind of sweet. It's been really fun. But the shows have been cool. Yeah. Alors, ils ont vécu avec une certaine promiscuité dans un camion qui est de la taille d'un camion glace, avec un camembert qui a été laissé à l'arrière du camion pendant un peu trop longtemps et qui sent comme un camembert mais mélangé à de la pisse. Oh, I was going to say there was no way you were going to get all of that in there, but it sounded like you did. It sounded like you nailed it. Votre musique se caractérise notamment par une certaine vélocité, une rapidité d'exécution et de prononciation pour le vocaliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez individuellement cette vélocité? So, Artspire is really well known for the speed and the velocity of every instrument, even for the vocalist. So, how do you work on each of you? How do you work on that speed level? A lot of coffee, I guess. You guys drink a lot of coffee? Yeah. We all practice a lot. Well, some more than others. Some of us practice a lot. I guess when we write, we try to write just a little bit faster than what we could play at the time that we're writing it. But then with the, you know, with the effort that we push it a bit harder, but then we practice that. So we just set the bar a little bit higher than what we can play at the time and then get to that level, and that helps us kind of go faster, I think. Alors bien entendu, il y a un régime de café qui est inclus pour travailler cette vélocité, mais également tous les membres du groupe travaillent très dur leurs instruments, apparemment certains plus que d'autres, et bien entendu, il y a également un point important qui a été mentionné ici, c'est que les musiciens s'entraînent un peu plus que leur capacité, donc c'est-à-dire qu'ils vont jouer un peu plus vite que ce qu'il y a sur l'album pour être à l'aise ensuite à la fois. Can you explain how you write your songs? What is your writing process? We write everything in a rehearsal space together, all at the same time, and we basically hash out ideas and yell at each other and get mad for months and months and months you at get a time. Mad. And so usually we'll start with like a riff idea or something, and then kind of if everyone's into that initial idea, we'll move forward, and then everyone will start working on their parts, and we'll kind of build everything from there. And then like the last like one week, Ollie will write all the lyrics. Yeah. Yeah. Ok, donc on travaille tous ensemble, c'est-à-dire dans un local de répétition, en échangeant des idées, des riffs, et puis bien entendu, en poussant une gueulante de temps en temps. Certains musiciens sont réputés pour ça. Et à la dernière minute, la dernière semaine avant l'enregistrement en studio, on se concentre sur les paroles et le chanteur. On sent que l'humour a une part importante dans votre groupe, qu'à voir depuis qu'on se croise depuis 10 minutes. J'ai pu voir également un live avec un jeu de Twister dans le pit, où j'étais vraiment bidonné, ou music video farting on your mic, for example. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle importance ça a pour vous au quotidien et en live également? Alors, you're very well known for humor in your music, and judging from the last 10 minutes, it can relate to the real world as well. And judging from your music video with farting and with a Twister game that you once set a mosh pit on, how do you come to that? And how do you mix that with death metal, of course? We sit around and we're bored a lot on tour. There's a whole lot of nothing to do all day. You kind of get to the venue and then you wait. And the funny things that we come up with are just to sort of like jokes to ourselves and like entertain ourselves. And then they kind of grow into something that might become part of the live show or a stupid video that does better than our actual music videos. Alors, vous savez, il y a beaucoup de temps mort en tournée, on s'ennuie beaucoup, et puis, bien entendu, lorsqu'on vit tous ensemble, on rigole, bien entendu, et puis les petites blagues commencent à se concrétiser et tournent en idées que l'on développe ensuite sur scène ou dans des vidéos, comme on peut le faire à la fois dans nos clips et dans nos réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez bien revenir un petit peu sur le clip vidéo de Drone Corps Aviator? Comment vous est venue l'idée de ces différents plans et surtout comment ça a été réalisé avec tous ces effets spéciaux? So, can you get back to the music video Drone Corps Aviator? So, how were you done with the, you know, the framework of the video and how was the idea born, actually? My brother and my partner both do special makeup effects for film, and they were working on a TV series with John Cena. I forget what it's called. Peacemaker, and a lot of head explosions in it. So their effects shop made a rig to blow up heads, and they showed that to me, and that was just one aspect of the concept that we kind of had was, oh, it'd be cool if our heads exploded in a music video, and we knew people that could do it. So, but then our director, Rob Zawistowski, kind of built a theme around that, and we all worked on it together and thought about what might be fun to incorporate and how to kind of have a music video that wasn't just us playing, you know? So, but I think that's how it was started, was just we wanted some cool head explosions. Yeah, it was like based the whole story around we want our heads to explode. Alors, bien entendu, mon frère et sa femme travaillent dans les effets spéciaux. Ils ont notamment travaillé sur le film Peacemaker de John Cena. Et dans ce film, on voit des têtes exploser. Donc, on a réfléchi à un clip dans lequel on pouvait avoir plus que les musiciens qui jouent, mais dans lequel on retrouverait des effets spéciaux comme ceci, et toute l'histoire du clip a été construite autour de ces têtes qui explosent un peu partout, et ça a donné quelque chose de plutôt marrant. Maintenant que votre tournée s'achève, quelle est la suite du programme pour vous, vos futurs projets, d'autres réalisations de clips, je ne sais pas? So now that the tour is over, what are your future projects and maybe recording or anything else with a band? Breaking up? After this interview, we're going to a big fight. Yeah, this is over. I got to drink a bottle of whiskey and then fight. We're going to fight and then we're all going to kiss and make up. Yeah, more than kissing. More than kiss. Yeah. We're all going to bang each other. No, we're going to Japan after this, and then Australia, mm-hmm. And then we have two off shows, right, in America. And then that's all we got booked right now. But when we're home, we jam together 3 days a week for 2 to 3 hours, and we've been using that for writing. So when we are home in between, that's what we're doing in the meantime, is trying to get a new album going. Alors, bien entendu, le groupe rigole sur le fait qu'ils vont se séparer après l'interview et descendre une bouteille de whisky et ensuite se réconcilier en s'embrassant, voire plus, si affinité. Non, sérieusement, les projets pour Archspire, ce sera une tournée au Japon et puis ensuite quelques concerts aux États-Unis. Lorsqu'ils ne tournent pas, ils répètent 3 fois par semaine, 2 ou 3 heures, et bien entendu écrivent à chaque fois de nouveaux morceaux comme cela. Qu'est-ce que vous attendez du concert de cet après-midi et qu'est-ce que vous pensez du public français? So what do you expect for today's show, and what do you think about the French audience? It looks like it's a pretty good crowd here so far, and our shows in France are always a lot of fun. Our Paris shows that we've had over the last couple of years have been crazy. I think when we played in Toulouse, people were climbing up the walls and jumping off of the catwalk on the second floor back into the mosh pit. So it could be a crazy show. Lots of hot guys. Bunch of hot guys, bunch of hunks here for sure. Hunks. Alors, bien entendu, le public français est toujours complètement fou. La dernière fois, à Toulouse, le public est carrément monté sur le mur pour se jeter dans le public. Donc, il y a pas mal de moches et de choses comme ça. Et ça devrait être, encore une fois, un super concert, super marrant. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps et bon concert pour cet après-midi. Au revoir. Okay, thanks a lot for your interview and have a nice show tonight. Thanks, awesome. Guys. Thank you. Awesome. Thank you. Thank you. We'll be right back. Vous venez d'entendre le groupe Till the Dirt avec cette Outside the Spiral tout de suite. Vous écoutez bien Overdrive, Radio Duo. Encore une fois, merci au super groupe de death metal Artspire pour le fantastique moment. C'était vraiment super, super sympa. Maintenant, dans Overdrive, du death metal des familles avec Cannibal Corpse et son dernier album, donc toujours aussi bon, Cannibal Corpse, depuis 2 ans, depuis 2 albums, Chaos Horrific ici, je les trouve vraiment très en forme. La présence maintenant de Eric Rutten est vraiment salutaire pour le groupe américain, et on en voit tout de suite la petite douceur qui s'appelle Frenzied Feeding par Cannibal Corpse. Cannibal Corpse Frenzied Feeding avec cet album Chaos Horrific, toujours du pur death metal, une grosse production. À noter la présence de Eric Rutten dans le groupe Alkaloid, toujours du death metal, mais cette fois un poil plus technique maintenant et progressif, avec des musiciens notamment du groupe Obscura, vraiment très bon. Ça sort sur le label Season of Mist et on s'envoie le morceau Clusterfuck par Alkaloid. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. Why should we reach for the sky? Why bother at all? The odds are never good. So we'll be right back. Vous venez d'entendre le groupe Alkaloid avec son album sorti sur le label Season of Mist et le morceau Cluster Fuck. Voilà, Overdrive, c'est quasiment terminé pour ce soir. On va se diffuser un dernier petit morceau avec là aussi une petite douceur, extrait du dernier album de Dying Fetus qu'on va diffuser dès à présent. Ça s'appelle Make Bang Bag for Death. Là aussi toujours du death metal avec une teinte parfois un peu grindcore dans le son et puis les compositions. Voilà, on va s'envoyer ça tout de suite, extrait de cet album sorti sur Relapse Records, Dying Fetus. Dans une petite seconde, le temps de démarrer la platine. Hop, ce sera sur Overdrive. Hop, Radio Audio. Voilà, on va se quitter maintenant dans Overdrive avec au son de Silent Skies et de ce morceau Reset sur lequel on a ce duo voix avec la voix du chanteur de Evergrey, Tom Englund. On remercie encore une fois le groupe Artspire pour l'interview ce soir. On se dit la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. On rappellera également le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive-radiodio. Et bien entendu, on rappellera les podcasts hébergés sur la plateforme Miss Cloud. Voilà, merci, ciao, bye bye. What will come of us? What will come of us? What will come of us? Can I reset these? My feelings of irrelevance. Must have made a wrong turn somewhere. Must be a secret so that I sometime will. What will come of us if everyone wants to be someone else? What will come of us until